touche la nouille en entendant les oies caqueter. Le long rond du tracteur d'à côté, carburant jusqu'au soir. Je suis mon foutre et j'allume la cloche. Dernier poche.